plus belle maman, chérie, en moi. Vous êtes la plus belle maman, chérie, en moi. En ouais, en ouais, en verre. En ouais, en ouais, c'est moi. Yeah.